les mots se cognent un peu la tête et se prennent dans les rayons pour te raconter la tempête, t'emporter dans ce tourbillon. Ce vent violent que tu fais naître allume le feu aux étoiles qui scintillent sur ma planète. Quand mon amour, tu te dévoiles. Jour après jour, le vent en poupe avec ton souffle dans mes voiles. Mon esprit navigue et chaloupe sur un océan sans escale. Je saurais chasser la grisaille si elle vient souiller ton sourire. Un arc-en-ciel dans tes entrailles volera en éclats de rire. Et pris dans l'œil de la tornade, quand nos deux corps quittent la terre, ils tombent des rêves en cascade sur nos rivières de chimères. Jour après jour, quand la vie serre, qu'on se trouve un peu à l'étroit, tes rayons d'amour me libèrent et tout au fond, je n'ai plus froid. J'attiserai en toi la femme qui me fait beau de l'intérieur. Et si un jour s'éteint la flamme de l'éphémère du bonheur, sur ma vieille corde sensible, lorsque tu frottes ton archet, je m'y pique et suis invincible. Ta vie me tient chaud pour de vrai. Jour après jour, plus fort je t'aime, dans ce vieux monde un peu malade, où les hommes se font la haine, je veux t'offrir cette balade. Cette balade.